Tu veux savoir où je suis né, je suis marseillais. Me test vaut mieux pas essayer. Ça écoute mes albums même si sans rayer. Ma bouche une calache, elle sait rarement enrayer. Je vers le ciel un TDM, je me décale pour voir devant. Deux trois j'ai embrayé, je fume la moula couleur treillis. J'ai traîné là où c'était pas si facile que ça, ouais, d'être aimé. Au dit noir, j'mets la doudoune, j'fais niquer le carter au dodan. Chap cap, masque noir, j'fais le plan à total. Ce qu'on dit de moi, m'en branle total. Attends deux secondes, tu hôtel, putain, c'est une bouquille, il est là, il marche normal. Toujours un bleu ou un marron qui traîne pour un SDF qui dort dans le froid. Ça fait froid dans le dos, mais j'me dis qu'on a tout le temps le choix. J'ai la foi, dis-leur que j'suis pas fou. J'ai pas changé, c'est pas faux, j'sors des bas-fonds, j'ai même pas eu le BAFA. J'ai vu des gens faire les fous, se faire baffer parce qu'ils ont dit ce qu'ils ont pas fait. J'suis dans mon coin, les gens qui se montrent, moi j'suis pas fan. Les gens qui se montrent, moi je suis pas fan et moi je t'avoue, j'ai eu des blèmes à la Gustavo. Maintenant ça va mieux alors je déguste à fond et je respecte ta femme. Et puis je pète la forme, et puis je rote masqué dans la zone. En cas pas score personne quand je mets le poste à fond. RS4 tout Clio, que ça oublie le clean. Nos questions on est en règle, tu conduis comme si on avait 2 kilos. Pam pam pam, nique la mère au fils de pute. Pam pam pam, on grandit, on n'oublie pas. Pam pam pam, je donne à son calibre dans le fut. Pam pam pam, regard franc, on sourit pas. Mon disque d'or sur eBay, je dors pas, j'ai les yeux d'un hibou. Mais quand je te vois, j'ai le cœur qui bat, je suis pissé neuf comme un hippie. Direction les Pays-Bas, gros pète pas de Cohiba. Dans tout Marseille, je suis cramé, demain change de bolida. Je sers sur le tum-tum, on manique, on danserait. Si on faisait des sons claquant des doigts, jamais de la vie, on bosserait. Là, j'ai la grosse barbe, j'ai la casquette à l'envers. Sur vêtements d'épée, comme les frérots en Angleterre. Ça veut plus m'appeler, ça m'en veut. Oh les enculés, je vais les marquer comme le rappelé. C'est du vrai, tu le sais, ce que je rappelle là. Ça lève le Varadero, ici c'est chaud, ça rafale même pendant l'apéro. Je vends des disques, je suis pas dans les rôles. Je viens de là où ils te font la bise les rats. Là où ça fait frotter la béquille du gilet rat. T'as pris 10 ans, vivement que t'es libérable. Pour toi le scooter, je le mérite.